Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cet opus spécial Caprice de lecture, où aujourd'hui nous allons parler poésie, nous allons parler rêve et nous allons surtout discuter avec Mathieu Olmeda. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, tu es chargé de coordination pour le festival Poema, mais pas que. Mais pas que. On va en parler juste après. Donc comme d'habitude, il y aura 5 questions. J'espère que tu seras soumis et tu resteras parmi nous, au cours desquels on va parler du festival, des projets et puis des événements aussi à venir. Mathieu, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors on y va. Première question déjà, Mathieu, peux-tu nous rappeler un petit peu ou rappeler aux auditeurs ce qu'est Poema ? Oui, Poema, c'est une association, un organisme qui a 10 ans cette année, oui. Qui était à l'origine un festival. Ok. Qui durait sur 6 mois, mm-hmm. puis qui a été raccourci à 3 mois. Okay. Et désormais, suite à sa grande réussite, on va dire, ouais. C'est toute l'année. Et donc, on est devenu, avec mes collègues, une maison des poésies d'aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire une maison qui organise des événements littéraires, okay. Pour valoriser la poésie, en particulier la poésie vivante, contemporaine. Okay. En invitant des artistes, des auteurs, des musiciens, des plasticiens sur une partie du Grand Est, dans différentes structures. On travaille en itinérance avec énormément de partenaires. Okay. Ça peut être des médiathèques, des librairies, des centres sociaux. Okay. Pour toucher un maximum de public, du coup. Exactement, toucher un maximum de public. Avec une ambition majeure, c'est de valoriser les poètes aujourd'hui en les rémunérant. D'accord. En diffusant leur travail via notre site internet. Oui. Et surtout donc en essayant de défendre cette poésie dans des lieux où on peut les entendre et les écouter lire et dire leurs textes. Donc en itinérance. Pour des publics qui n'étaient... Alors, il y a des publics qui sont, on va dire, peut-être spécialisés ou plus sensibles à ce genre de poésie, mais aussi parce que vous allez dans des bibliothèques, dans des centres culturels aussi, peut-être aussi pour des publics qui découvrent. Oui, exactement. C'est pas, y a pas forcément... C'est pas quelque chose d'élitiste. Non, voilà, absolument pas. C'est pour tout le monde. Ok. Même s'il y a une exigence dans les choix qu'on réalise. Bien sûr. En tout cas, c'est une volonté de faire venir des poètes et surtout de les faire entendre à tous. Donc c'est au travers aussi de résidences d'auteurs qu'on organise. Okay. Par exemple, on intervient avec le centre pénitentiaire. Okay. On fait des choses aussi en territoire ruraux, des randos poèmes. Ah ouais, en plus, balades. Vous sortez un petit peu c'est des ça. Murs, exactement. On va dire, de la métropole ou autre même. Oui, bien d'accord. Sûr. L'objectif, ah, c'est pas de laisser la poésie à l'intérieur de la librairie, parce que okay. là, ça n'a aucun sens, tout le monde peut y aller. Oui. Donc, la Maison des Poésies, par contre, elle existe depuis quand ? Alors là, c'est vraiment une création qui date de l'année dernière. Ah oui, c'est tout. Oui, elle est toute neuve. C'est très récent. Okay. On n'a pas de lieu fixe. L'itinérance, c'est vraiment un choix qu'on a c'est fait. C'est un peu votre marque de fabrique aussi. C'est une aussi marque de fabrique. Okay. C'est l'idée de travailler collectivement et en conjointement, on va dire, avec les partenaires. Okay. Et donc, il y a une répartition égale, y compris tarifaire, c'est-à-dire qu'on s'entend sur l'organisation générale. Okay. Quand on travaille avec eux, il y a une répartition égale. Super, c'est une belle aventure et humaine et poétique du coup. Tout à fait, ouais. Alors justement, deuxième question, le festival cette année a 10 ans, donc on avait bien compris que c'était toute l'année, il y a le festival de mars à juin, et là cette année c'est les 10 ans du festival. Oui. Ok, et il y a une programmation de fou, il y a des causeries, des lectures-concerts, des résidences, des ateliers d'écriture, et là je n'ai retenu que les grands, on va dire les grands thèmes de ce festival. Les grandes catégories, ouais. Voilà, comment se prépare cette programmation ? Parce que c'est extrêmement riche, avec énormément d'intervenants, donc je m'adresse aux chargés de coordination, quelles sont les astuces pour que tout se passe au mieux avec tout ce monde ? Alors c'est un travail qui a lieu dès l'été, c'est-à-dire à la fin du l'ancien vous festival, êtes sur à la fin le, des sur animations. Le suivant. Voilà, on est déjà sur le suivant, c'est-à-dire qu'on prend contact avec les partenaires avec qui on a l'habitude de travailler et avec d'autres qui nous ont contactés ou avec d'autres avec qui on souhaite travailler. Alors quand tu dis partenaires, c'est des partenaires financiers ? Exactement. Des partenaires, on va dire auteurs ou artistes. C'est ça. C'est tous les types de partenaires. Tous les types de partenaires. Okay. On travaille énormément avec les communautés de communes. Donc, quand on organise des résidences sur des grands bassins, il faut coordonner des réunions à plusieurs. Donc, c'est des prises de rendez-vous assez importantes. Très en amont, du coup. Très en amont. Ah oui. Avec également en parallèle, on essaye d'aller voir ou entendre des poètes dans d'autres manifestations. Pour pouvoir aussi... Vous êtes aussi des recruteurs de nouveaux talents, alors. Exactement, oui. En tout cas, on suit l'actualité éditoriale des poètes. Alors là, en ce moment, mes collègues étaient la semaine dernière au marché de la poésie à Paris. Oui. Donc, c'est un gros marché où il y a effectivement tous les éditeurs et tous les auteurs qui se réunissent. Bon, il y a d'autres organisations en France. Il y a énormément de festivals de poésie. Celle-là, c'est peut-être une marquante, du coup. Voilà, c'est ça. C'est un lieu... où d'ailleurs nous on va aussi pour défendre la revue qu'on a créée. On a créé une revue parce que Poema c'est aussi une revue maintenant. Je voulais t'en faire parler après, mais vas-y. donc, c'est vraiment un travail de passeur qu'on fait où on valorise. Je trouve ça extraordinaire, c'est le meilleur travail du monde, être un passeur. En termes de médiation, c'est vraiment génial. C'est génial. On va faire une petite coupure musicale et on se retrouve juste après. I grille de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission poétique, toujours en présence de Mathieu Olmeda, qui est chargé de coordination pour le festival Poéma, mais aussi pour la vie de la Maison des Poésies. Mathieu, donc, tu voulais qu'on parle du temps fort, donc du festival, qui se déroulera le 28 juin. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, les années précédentes, on avait toujours, à la fin du festival, une sorte de grande soirée de clôture. Okay. Alors ça s'est déroulé, par exemple, à la Culture Fabrique au Luxembourg, ou à Bouc, dans une petite ville dans le Toulois, où on organisait un marché d'éditeurs et où on invitait énormément d'auteurs sur une journée entière. Et cette année, on a voulu vraiment honorer toutes les actions passées qu'on a réalisées, un peu mesurer le chemin parcouru, montrer aux gens ce que c'est Poéma et sous ses différentes formes. Et donc, au Palais du Gouvernement, le mercredi 28 juin, on a invité plusieurs artistes. Ok. Quatre exactement. Alors, je dis au Palais du Gouvernement, mais ça commence à 16h30 à la librairie L'Autre Rive à Nancy. Okay. Avec un auteur illustrateur jeunesse qui s'appelle Benoît Jacques, qui est une référence vraiment en littérature jeunesse, qui fabrique ses propres livres et qui est vraiment très très drôle. Donc ça, j'invite tout le monde vraiment à venir le découvrir à 16h30. Et ensuite, ça commence à partir de 18h, où on a d'abord un spectacle en déambulation avec un artiste belge qui a aussi été comédien de rue qui s'appelle Stéphane Joris. D'accord. Dont le nom de scène est Timothée Auxergueuil. Oui. Et lui, il travaille à partir de... Il fait également de la linogravure. Ok. Donc c'est un travail plastique qu'il montre ensuite sur de grandes affiches. Ok. Et donc là, il organise un spectacle, donc une sorte de marche dans le jardin avec différentes stations. Et vraiment, c'est un spectacle très intelligent sur la poésie, à la fois très pédagogique et en même temps hyper ouvert, assez interactif. Donc là, c'est vraiment... C'est allier la plasticité, quelque part, à la poésie. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et avec beaucoup d'informations aussi données sur le rôle du poète, avec beaucoup d'humour aussi sur ce qu'il Super. Peut représenter dans la société. Donc ça dédramatise aussi un peu la poésie, quelquefois pour des personnes qui sont peut-être un peu... Alors, pas réticentes, hein, c'est pas le bon mot, mais... Quelquefois, ça peut paraître rébarbatif. C'est ça. En tout cas, ceux qui ont une image figée, on va dire, de la poésie. Oui, ça permet de dédramatiser tout ça et de passer un bon moment. De la rendre vivante et voilà, ouais. Okay. Et donc ça, c'est la première déambulation parce qu'il y en, il y en a une deuxième qui aura lieu donc à 21h15, mais celle-ci sur réservation. D'accord. Entre-temps, on a invité deux artistes, donc un romancier qui s'appelle Christophe Manon, qui publie aux éditions Verdier, qui a déjà une bonne œuvre derrière lui. Et donc là, ce sera des lectures dans les salons, alors ça va être très très beau, avec donc des lectures de son dernier livre qui s'appelle Porte du Soleil. D'accord. Où il sera question des endroits en Italie qu'il a parcourus. Voilà, ce sera un petit voyage un peu onirique Super. Aussi sur les traces de sa famille. En tout cas, c'est très intéressant. Et là, alors nous, on aime bien aussi expérimenter dans Poéma et on invite une performeuse qui est beaucoup intervenue dans les centres d'art. En tout cas dans les musées d'art contemporain, qui s'appelle Violaine Lochu, qui est vocaliste, et qui là va réaliser une performance qui s'appelle High Bird, à base de cris d'oiseaux, en tout cas d'imitation d'oiseaux. Et là, c'est vraiment assez fascinant, en fait, les possibilités vocales qu'elle va donner. Donc, c'est assez... Ah, je suis étonnée, mais agréablement étonnée, parce que je ne pensais pas que c'était possible, en plus, de faire ça. Oui, tout à fait. Donc là, il y aura des cris de pigeons ramiers, de mésangers imitateurs, de pinsons des armes. Ça va être assez original. Mais en fait, dit comme ça peut paraître assez fantaisiste. Et en fait, c'est très, très technique, quoi. Ouais. Donc, c'est hyper impressionnant. Mais toujours en lien avec ce côté... poétique. Oui, toujours. Parce que on défend évidemment la cause animale dans le poéma et on est très attaché à tout ce qui concerne l'écologie, à la nature. Oui, et l'environnement et tout ça. Donc là encore, c'est lié à la programmation, à la variété des thèmes et des choix qu'on opère, mais c'est aussi lié à une problématique d'ensemble qu'on essaye de relier. Ça, c'est bien. Bon, et puis voilà, on sait très bien que la poésie et le vivant, c'est lié de toute façon depuis l'origine, donc... Voilà, Très et donc et puis programme. On terminera donc avec un pot convivial, etc., des discours, des discussions informelles, voilà, ça sera très bien. Donc Super. Ça, c'est au Palais du Gouvernement le 28 juin prochain. Bien, il y a plein de choses. Oui. Plein de choses, c'est super. Quels sont les projets 2024 pour Poéma ? Alors, comme je le disais, on a expérimenté beaucoup de formes les années passées. Ouais. Y a des choses qui fonctionnent très très bien. Donc, évidemment, les rencontres en librairie pour défendre les travaux oui. des auteurs, ça, c'est une base sûre. C'est votre fondement, c'est quelque fondement, part. C'est le fondement, c'est ouais. C'est l'objectif. Je disais en territoire ruraux parce que c'est important d'amener la poésie oui. où parfois ben, on n'a pas forcément les relais nécessaires. Donc on va continuer. Alors avant, il y avait une formule qui s'appelait les rando-poémas. Donc c'était des grandes marches avec des stations okay. Au cours desquelles on associait musiciens et poètes. Okay. Donc ça va continuer puisque c'est une formule qu'on adore oui. développer. Et puis qui a fait ses preuves du coup ? Qui a fait ses preuves. Cette okay. année par exemple, on a invité une slameuse et une saxophoniste au Jardin Botanique à Nancy. Okay. Donc pareil, en déambulation sur tout le jardin. Donc ça, on va continuer à le développer. Okay. Et puis on a créé cette année quelque chose qu'on va essayer de développer, c'est-à-dire des fusions entre différents arts transversaux. On va dire. Un peu comme l'astronomie voilà, et la poésie, ou et la plasticité et voilà, la poésie ça. Et tout ça. Okay. On a fait des dégustations de vin, en tout cas voilà, donc on va essayer de lier en tout cas plusieurs genres, plusieurs arts ensemble. Ça, c'est des formules qu'on va développer. C'est super parce que vous ouvrez grand les portes en fait à ce type de littérature. À des personnes qui vont le découvrir parce que justement ils ont une autre passion, parce que tu parlais du vin, il y a peut-être des gens qui sont fans de œnologie et c'est exactement ce qui s'est passé à Toul cette et année. C'est ouais. super quoi. Ouais, ouais. Enfin... Oui, et puis en réalité c'est pas superflu, c'est-à-dire qu'on ouais. ne dit pas on va prendre deux thématiques et puis on va les associer ouais, non, ensemble. C'est vraiment, on a recherché vraiment. Il y a une vraie logique, oui, il y a un vrai lien. Oui, oui. Et puis en amont, quand on travaille, là par exemple, on a invité à Toul donc Aurélien Dony, un poète belge. Okay. Et. Stéphane Poulard, qui est un œnophile, ouais. J'allais dire, très très très très fort. Ouais. Et ils ont communiqué ensemble, ils se sont organisés pour que texte et oui, démonstration... Oui, il y a une vraie relation. Ensemble. Voilà, c'est ça. Okay. Et ça a vraiment très très bien fonctionné. Parce que voilà, on a construit quelque chose de ouais. plutôt intelligent ensemble. Donc, ouais, c'est bien. Voilà. Et du coup, je m'interrogeais tout en discutant avec toi, c'est quel type de public vous avez ? C'est-à-dire, est-ce qu'en termes d'âge, est-ce qu'il y a de l'intergénérationnel qui peut se créer ? Ça, c'est très intéressant, je trouve, dans ce festival qui propose autant de formules. Et dans les formules, il y a même des choses encore très différentes. Moi, je trouve ça super. C'est complètement intergénérationnel. Ah, c'est chouette. Quand on dit c'est pour toutes et tous, c'est pas du tout qu'une oui. formule, c'est vrai. Ouais. Je prends un exemple concret. Ouais. On a travaillé avec la médiathèque de Vendeuvre oui. cette année sur 3 jours. Donc, on a invité Lisette Lombé, oui. cette slameuse. Et donc, comme on organise des ateliers d'écriture, on a énormément de public jeune qui vient. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comme on croise les rencontres, le public qui vient à certains événements, on le retrouve sur d'autres événements. Okay. J'ai d'autres exemples. On a travaillé avec le LEM aussi à Nancy. Ouais. Là, c'est pareil. On a retrouvé un public qui était venu sur d'autres événements. Donc, Paris gagné. Oui, Paris gagné complètement. Super. Voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'on a de plus en plus de monde. Alors, donc, c'est génial. Là, vraiment, continuez. C'est chouette. Continuez. Merci. Dernière petite précision, alors qui n'est pas une petite précision, en fait. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut réserver, téléphoner et s'inscrire. Oui, alors je précise, pour l'événement du 28 juin, ouais. il n'y a vraiment que la dernière déambulation qui est sur réservation. D'accord, donc celle de 21h ? Voilà, de 21h15, voilà, pour le spectacle de Stéphane Joris. Okay. Donc là, c'est sur inforesa@poema.fr. Okay. Donc infos-resa@poema.fr. Okay. Et vous pouvez appeler au 03 83 25 26 45 très bien. Pour réserver vos places, voilà, okay. ou aller donc sur le site poema.fr. Et vous êtes aussi sur Facebook ? Sur Facebook, Instagram, ouais, voilà. Donc, la totale, je crois qu'on a tout dit. Merci de ta venue Mathieu, c'était un vrai plaisir de merci. Discuter poésie avec toi et tout le travail qu'il y a derrière. Moi c'est surtout ça qui m'intéressait. Je trouve ça absolument fascinant que des personnes tout ensemble puissent monter des projets aussi grandioses et qui s'adressent à tous. Et franchement, bravo. Merci, un grand bravo. On va continuer comme ça. Et, et puis on te retrouve du coup l'année prochaine. Oui, l'année prochaine. Et bah, super. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'on vous a emmené dans le milieu de la poésie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.